the market square. So many mothers sighing. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classical Diz. On va parler aujourd'hui de l'homme aux mille facettes, David Bowie. Auteur, compositeur, interprète, puis acteur et même peintre, le jeune anglais débuta dans les années 60 avec le rock'n'roll en intégrant plusieurs groupes, comme à peu près tout le monde à cette époque. David Robert Jones préfère le nom David Bowie, en référence à l'américain James Bowie, soldat durant le 19e siècle. Le succès arrive avec le titre Space Oddity de 1969, musique d'actualité avec la mission d'Apollo 11 la même année. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want... Entre-temps, il s'attarde sur son image et son personnage, en partie grâce au théâtre. Sa musique est dans un premier temps folk, voire psychédélique, mais au cours des années 70, il va contribuer un nouveau mouvement du rock, le glam, avec ses camarades Lou Reed et Mark Bolan. Genre essentiellement britannique, le glam rock se caractérise par des chansons courtes et simples de rock et s'identifie aussi visuellement à travers les tenues et personnages des artistes. Par exemple, David Bowie joue le personnage de Ziggy Stardust aux cheveux rouges et aux vêtements extravagants qui sort tout droit de l'excellent album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Tout cet univers est retranscrit sur scène. Le public entre dans l'univers de David Bowie à la fois visuel et auditif avec des prestations presque théâtrales. L'activité de Bowie dans les années 70 est énorme. Une dizaine d'albums, dont la trilogie berlinoise Low, Heroes et Lodger. Bowie dans les années 70, ce sont des grosses collaborations musicales, de la drogue, une sexualité mystérieuse, une carrière au cinéma ou encore une période soul avec notamment le titre Fame. Parle en effet de collaboration puisqu'il a travaillé avec des artistes venant de tous les horizons. Mais certaines amitiés ont été très marquantes, avec par exemple Iggy Pop ou Brian Eno. Cette belle décennie se conclut avec le morceau culte Heroes accompagné par Robert Fripp à la guitare. L'icône du glam rock devient une superstar dans les années 80 grâce à sa musique très accessible de dance rock, presque disco. Le titre Let's Dance en est l'exemple parfait. Il s'attarda aussi sur les clips de ses chansons, qui passèrent sur MTV et contribuèrent à son univers et son image. On notera entre autres un featuring avec Queen, Under Pressure et la formation d'un groupe de hard rock, Tin Machine. Bowie chercha sans cesse à innover, à se réinventer, preuve dans les décennies suivantes où il s'essaye à la musique électronique, au jazz et à la musique néoclassique. Il meurt en 2016 à 69 ans, quelques jours après la parution de son dernier album Black Star. Un adieu parfaitement réussi puisqu'il nous livre ici un de ses meilleurs albums, une fois de plus novateur. Icône, légende, rockstar, influenceur, génie, tous ces mots correspondent à David Bowie qui aura marqué les 50 dernières années et qui restera une référence à l'avenir. Mon format ne me permet pas de développer plus sur sa carrière, mais croyez-moi qu'il y en a des choses à dire sur cet artiste. Sa vie fut bien remplie. Passons maintenant au coup de cœur. En ce qui me concerne, j'ai eu du mal au début avec sa voix que je trouvais plutôt désagréable, mais au fur et à mesure, on rentre dans son univers et on s'habitue à ses intonations et on apprécie. La discographie de Bowie est énorme et je n'en suis pas du tout venu à bout. Alors comme beaucoup de chroniques, mes coups de cœur ne seront pas valables éternellement bien entendu. Mais commençons avec la chanson Life on Mars, ultra culte, issue de l'album Hunky Dory de 1971. Une musique qui reprend la même séquence d'accords que la chanson My Way de Sinatra, et donc de Comme d'habitude de Claude François, puisque c'est Bowie qui devait à l'origine écrire la reprise de cette musique. Mais c'est cette autre musique qui parut à la place, Life on Mars aux paroles étranges et au piano enchanteur. She could spit in the eyes of fools, if they ask her to fall. Mon second coup de cœur s'intitule Rock'n'Roll Suicide. Il décrit l'effondrement de la rockstar Ziggy. Dans ce morceau, les instruments viennent s'ajouter au fur et à mesure pour un final inoubliable marqué par la voix de Bowie qui vient écraser tous mes préavis sur ses performances vocales. Il s'agit de Rock'n'Roll Suicide. Je termine avec son dernier album, et le titre éponyme, Black Star, d'une durée de 10 minutes. Un début de musique inquiétant avec un solo de saxophone assez pessimiste qui rappelle des airs de rock progressif. Et au cours de la musique, on semble changer de monde, on voyage dans quelque chose de plus joyeux et ambitieux avant de retrouver une musique sombre, presque arabesque, à la toute fin. Écoutez cet album et écoutez Black Star. How many times does an angel fall? Instead of talking tall, he trod the sacred ground. He cried loud into the crowd. Avec China Girl, Starman ou encore Changes, mais avec le titre Rebel Rebel, issu de l'album à la pochette perturbante Diamond Dogs. Très bonne écoute et à la semaine prochaine sur RGR.